famine. 45 têtes brûlées, 45 putain de bagarres. Là du vécu de quartier sous format CD, de la street j'ai le cursus, rien à prouver à ces PD. Speed comme un bolide qui enfume l'asphalte. Appelle qui tu veux, je le fume, j'ai ramené MC d'un seul regard. J'suis pas un homme, mais une machine de guerre, j'frasse pas le mic, je braque.